Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, 22 août 1962, le jour où le général de Gaulle a failli mourir assassiné à bord de sa DS. Cette histoire nous plonge dans ces années où la France et les Français vivent dans un climat de guerre permanent. C'est le temps de la décolonisation, d'une guerre qui ne dit pas son nom, des attentats et des assassinats, du FLN et des appelés, des ultras et des porteurs de valises, de Paris jusqu'à Alger. Pendant 8 ans, la vie politique et sociale française rime avec les avancées et les ruptures des événements en Algérie. La situation là-bas change la destinée ici, jusqu'à y amener la guerre en métropole. Pendant plusieurs mois, de 1961 à 1962, les plasticages et assassinats traversent la Méditerranée. Les métropolitains doivent désormais vivre avec le bruit des bombes, les sirènes des ambulances et les contrôles des barrages routiers. Derrière ces troubles, un nom est resté dans l'histoire, celui de l'OAS, l'Organisation de l'Armée Secrète, groupe aux multiples facettes, formé de partisans aux parcours différents, qui n'ont qu'un seul but, tout faire pour que l'Algérie reste française. Alors, le général devient leur cible. 2 tentatives d'assassinat sont ainsi restées dans les mémoires, celle du Pont de Seine en 1961 et celle du Petit Clamart au lendemain des accords d'Évian. Aujourd'hui encore, la guerre d'Algérie est pour certains un feu mal éteint. L'histoire et sa mémoire sont ainsi devenus les derniers champs de bataille des nostalgiques de l'Algérie française. Notre invité aujourd'hui, Jean-Noël Jeannonnet, historien, producteur sur France Culture, auteur du livre intitulé « Un attentat aux éditions du Seuil ». Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot et réalisée par Fabrice Laigle. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Mercredi 22 août 1962, palais de l'Élysée. Le général est de retour de vacances, tout comme le gouvernement. Son chef, Georges Pompidou, nommé au printemps dernier, est à ses côtés lors de ce premier conseil des ministres de la rentrée. Le thème du jour, la rentrée parlementaire justement, l'économie, la situation diplomatique, mais aussi la sécurité intérieure avec la recrudescence des actes de banditisme et des attentats. Après plusieurs heures, la réunion se termine. À 18h20, on demande au chauffeur de service du président, Francis Maroux, de préparer la voiture du général, qui, malgré l'heure tardive, souhaite, avec sa femme, rejoindre sa maison de Colombey, les deux églises. Une heure plus tard, il prend place à l'arrière gauche de la DS présidentielle. Devant le couple, leur gendre, le colonel Alain Boissieu, et le chauffeur, bien sûr. Ils prennent la route pour Villacoublay, où les attend un avion. Leur escorte est réduite au minimum. Une voiture et 2 motocyclistes les entourent. À 19h45, la déesse présidentielle quitte l'Élysée. Alors qu'il passe la porte de Châtillon, dans un café à Meudon, un homme reçoit un coup de téléphone. Le cafetier décroche, puis demande à l'assistance un certain Monsieur Perrin. Alors un homme se lève, prend le combiné, discute quelques instants, raccroche, puis sort. Il attend sur la chaussée, déplie un journal et s'en va direction Clamart. En quelques minutes, près du carrefour du Petit Clamart, de part et d'autre de l'avenue de la Libération, 12 hommes se positionnent. Sur le trottoir, direction Villacoublay, une estafette jaune se gare. À l'intérieur, 5 hommes équipés de fusils mitrailleurs. Un peu plus loin, 3 autres attendent, comme en tenaille, dans une autre voiture. Enfin, une camionnette Peugeot est postée aux abords de la route où 3 hommes attendent, au cas où. L'homme qui a reçu le coup de téléphone dans le café se place à quelques dizaines de mètres, un peu plus haut, sur l'avenue. C'est lui qui est chargé de donner le signal dès qu'il verra le cortège arriver. Voilà, tout est prêt pour tuer le président. Les minutes passent et la lumière du jour diminue peu à peu. Alors, quand le cortège arrive, le guetteur met du temps à l'apercevoir. Est-ce lui ? Oui. Alors il agite le journal. Les 2 motos et la première déesse passent, puis des tirs de toutes parts émis de l'estafette jaune atteignent la déesse présidentielle. Première salve, avant une seconde, car quelques mètres plus loin, la deuxième équipe attend, comme le racontera Alain de Boissieu plus tard. J'ai vu une idée à toit blanc, et sur les portières avant-droite et arrière-droite, 2 PM, dont un très caractéristique, puisque c'était une Thompson avec un chargeur rond. Alors là, j'ai dit à Maroux, au milieu, tout droit, vous foncez. Nous sommes arrivés à hauteur de cette fameuse idée, et là j'ai hurlé à mon beau-père, « Mon père, baissez-vous !» Et j'ai crié tellement fort qu'il m'a obéi, il s'est penché, et j'ai vu la glace arrière partir en éclats. Et s'il ne s'était pas baissé, incontestablement, il aurait été tué. Grâce à la vitesse et au sang-froid du chauffeur, le véhicule du général évite la voiture qui devait lui barrer la route et poursuit son chemin à vive allure. En cas de problème, rouler en Citroën. Eh oui, malgré nos roues crevées, la suspension hydropneumatique de la DS permet à la voiture de rouler. Le lendemain, dans la presse, on parle de la baraka du général, qui ce jour-là n'est touché par aucune balle. Mais qui a voulu tuer le général? Qui est cet homme au journal? Pourquoi vouloir assassiner le président de la République? Ce 22 août 1962, le général de Gaulle aurait pu mourir sur une avenue de la Libération. C'eût été une sévère ironie de l'histoire pour l'homme du 18 juin qui est devenu entre-temps président. Et c'est l'Algérie qui le fera de nouveau roi. Un territoire dont il connaît les rues pour les avoir arpentées durant la Seconde Guerre mondiale. C'est en effet à Alger, en 1943, que la France libre a repris vie et espoir. Là-bas, de Gaulle devient le chef incontesté des alliés de la résistance de la France libre. 14 ans après la libération de Paris, à Alger, le 13 mai 1958, on scande de nouveau son nom. Pourtant, cette année-là, le général est déjà une image lointaine en retrait de la vie politique depuis 1947. La France et ses aléas, le général observe tout cela de loin à Colombey où il écrit ses mémoires de guerre. Retiré sur son Aventin, situation qu'il subit en vérité, c'est une traversée du désert. Oh, il a toujours ses partisans, à l'Assemblée et ailleurs, mais il ne dit rien, silence. En 1958, l'actualité se résume en une succession de formules, les événements, opérations de maintien de l'ordre, qui cachent la réalité d'une guerre en Algérie, d'une guerre militaire entre soldats français et indépendantistes, d'une guerre civile entre Européens et Algériens, et d'une guerre désormais diplomatique où la France, face à ses alliés d'hier, doit se justifier. 4 ans déjà que les gouvernements de la 4e République refusent d'envisager, après l'Indochine, la sortie de l'Algérie du territoire français. Avec ses difficultés à oublier l'Empire, le pouvoir en fait s'affaiblit. À chaque fois que l'Algérie sombre un peu plus dans le chaos, les gouvernements tombent. Malgré les victoires militaires, la répression féroce ou la torture est quotidienne, le vent de l'indépendance ne faiblit pas. Alors c'est l'armée, soutenue par les Européens d'Alger, qui prend les devants. Le 13 mai 1958, à la tête d'un comité de salut public, le général Massu en appelle au seul homme qui peut faire revenir l'ordre dans ce grand bout de France colonisé. 2 jours plus tard, de Gaulle répond à l'appel et se dit prêt à assumer les pouvoirs de la République. Le 1er juin, il prend la tête du Conseil et obtient les pleins pouvoirs. Mais pourquoi lui ? Pour le symbole, bien sûr, car d'un point de vue politique, on ne sait rien de sa position sur le problème algérien. 3 jours après la prise de pouvoir, il est en Algérie. Au balcon du gouvernement, là même où 3 semaines plus tôt on acclamait son nom, il déclare « Entendez la foule qui l'acclame, de Gaulle, de Gaulle !» Le général s'est croisé les mains sur la poitrine, il attend maintenant que le silence se fasse, ce silence arrive. Et voici le général de Gaulle qui parle. Je vous ai compris. Je sais ce qui s'est passé ici. Je vois ce que vous avez voulu faire. Je vois que la route que vous avez ouverte en Algérie, c'est celle de la rénovation et de la fraternité. Je vous ai compris. Il s'agit sans doute de l'une des phrases les plus ambiguës de l'histoire de notre pays, tant elle est à la fois limpide et trouble, enivrante et prudente. Les Européens d'Algérie y voient une promesse, celle que la sauvegarde de leurs privilèges et de la victoire de l'armée sera là. Les indépendantistes algériens, eux, y voient peut-être une main tendue vers une sortie moins sanglante. un an après, les questions trouvent des réponses. Alors que son pouvoir est désormais assis grâce au vote de la Constitution de la Ve République, Charles de Gaulle tranche pour une solution radicale qui prend tout le monde de court. Le 16 septembre 1959, il annonce son souhait de consulter les Français et les Algériens sur l'autodétermination de la colonie française. Il laisse le choix entre l'association et la sécession. En écho à cette proposition, la fièvre embrase les esprits des Européens d'Alger. Le 24 janvier 1960, dans les rues de la ville, militaires, étudiants, fils et filles des colonies érigent des barricades et rêvent d'insurrection. Après 5 jours de tumulte, le général prend la parole à la télé en uniforme. Il explique sa politique en France et en Algérie et réclame le calme et l'obéissance des soldats insurgés. Mon cher et vieux pays, nous voilà donc, encore une fois ensemble, devant une lourde épreuve, en vertu du mandat que le peuple m'a donné et de la légitimité nationale que j'incarne depuis 20 ans, je demande à tous et à toutes de me soutenir quoi qu'il arrive. Et tandis que des coupables qui rêvent de devenir des usurpateurs invoquent comme prétexte de leurs actes la décision que j'ai prise à propos de l'Algérie, qu'on sache bien et qu'on sache partout que je n'y reviendrai pas. Grâce à cette intervention, le président reprend la main. Pour un temps, car un an plus tard, en avril 61, après que les métropolitains, les Algériens et les Français d'Algérie ont approuvé la politique du général lors d'un référendum, 4 généraux, Challes, Zeller, Jouhaud et Salan, tentent un coup d'État. Alger est quadrillé, il s'empare du gouvernement général, de l'aérodrome, de l'hôtel de ville et de la radio. À Paris aussi, on scrute le ciel et les rues et on attend de voir si l'armée en métropole restera fidèle au général. Face à l'épreuve la plus importante depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, de Gaulle enfile de nouveau l'uniforme et s'exprime de nouveau à la télé. Par les mots et par le ton, il décrédibilise les 4 militaires félons, les qualifiant de carterons de généraux à la retraite. Le putsch est mis en échec. Mais dans ces jours troubles d'avril 61, un autre ennemi se fait connaître, l'OAS, Organisation de l'Armée Secrète. Fondée en Espagne, elle rassemble une multitude de groupuscules extrémistes, partisans ultra de la présence française en Algérie. Son programme et sa stratégie se limitent à installer un climat de terreur pour mettre fin aux négociations entre le gouvernement français et les indépendantistes. Son slogan, l'OAS frappe où elle veut, quand elle veut. Le terrorisme, déjà. Les plasticages, les attentats et les assassinats traversent alors la Méditerranée et ponctuent l'actualité d'Alger jusqu'à Paris. Et le 9 septembre 1961, 5 mois après le putsch raté, les Français apprennent que même le général de Gaulle aurait pu être victime d'un attentat à la bombe. La veille, il prend la route avec sa femme et son escorte habituelle vers sa maison à Colombey. Mais 2 heures après son départ, une bombe cachée dans un tas de sable explose au passage du convoi. La déesse tangue, mais ne se retourne pas. Premier attentat sans conséquence, mais l'émoi est national. Sur place, un journaliste de France Inter interroge un témoin. Et alors ce matin, vous, monsieur, vous êtes rendu sur les lieux, vous avez vu quelque chose ou quoi? Oh, bah ce matin, bien sûr, quand on a su qu'il y a eu une explosion sur la route, on a été voir, on a vu un tas de sable là, qui est éclaté, on a vu de l'herbe qui est brûlée de l'autre côté de la route. Il paraît que ce tas de sable n'était pas là il y a quelques jours, personne ne l'a apporté, et c'est dans ce tas de sable qu'était dissimulé le plastique. Ah, le tas de sable, il est bizarre, c'est pas du sable de route, c'est du sable... Comme si c'était du sable de maçonnerie, c'est bizarre, quoi. Oui. On ne dirait pas que c'est une place préparée, puisque c'est mis dans l'herbe, rien n'a été gratté, comme les cantonniers le font d'habitude. Hein. Donc c'est quelqu'un qui l'aurait amené... Ça, c'est une autre histoire, moi. Nous, on travaille toujours là. Hein. Eh bien, jamais, je n'ai pu voir quoi que ce soit des gens qui ont circulé dans le coin ou qui cherchaient à repérer un coin. Vous pouvez être sûr que c'est des malins. Hein. Malins, pas tous. Un homme est arrêté, dès le lendemain, sur les lieux. Il s'appelle Vilmondi. C'est lui qui a lancé la mise à feu. Son imprudence emporte avec lui 6 complices qu'il dénonce et que la police arrête dans les jours qui suivent l'attentat. Seul un homme manque à l'appel. L'instigateur, que l'on entrevoit dans les dépositions, mais dont on ne sait ni le nom, ni la profession. Alors, qui est-il? La police mettra-t-elle la main sur lui avant sa prochaine tentative? Qu'à cela ne tienne, à l'Élysée, la sécurité du président est révisée. On bouleverse ses habitudes et on lui impose désormais une partie du trajet vers Colombey par les airs, c'est plus sûr. Au ministère de l'Intérieur et de la Justice, l'OAS devient le sujet sensible par excellence. Tous les moyens sont mis en œuvre pour éviter de nouveaux drames. Dans la presse, on s'interroge sur ces fous, ces Français qui tuent en France et en Algérie, au nom de qui, au nom de quoi. Le temps des assassins, comme le titre Boeuf-Méry, commence à peine. Pour le seul mois de janvier 62, on comptabilise près de 800 attentats qui tuent plus de 500 personnes et en blessent le double. Plus les négociations entre le gouvernement français et le gouvernement provisoire de la République algérienne avancent, plus les drames s'accumulent. L'OAS joue son baroud d'honneur, plongeant les Français et les Algériens dans la terreur des bombes et des assassinats. Le maire d'Évian, Camille Blanc, qui accueille les négociations, le paiera de sa vie, lui aussi. Le 18 mars 62, enfin, un accord est signé à Évian entre les deux parties. Mais 8 ans d'engrenage, de pacification, de torture, d'assassinat, d'attentats, de guerre civile ne s'arrêtent pas ainsi. Derrière les images du départ des Pieds-Noirs et des Harkis, des rapatriés comme on les appelle alors, la guerre d'Algérie enterre ses dernières victimes algériennes et françaises. Le 3 juillet 1962, la France reconnaît officiellement l'Algérie indépendante. La guerre est finie. Pourtant, certains refusent encore de l'entendre. Et le 22 août 1962, à Clamart, pour la seconde fois, on tente d'assassiner le général de Gaulle. Yesterday, the coldest winter was like spring. I thought my heart would always sing. I thought our love would never end. But that was yesterday. The sun died with my love, and life's all vain. In my heart, there's rain, and I know that my soul won't stop crying. Yesterday, when I was looking in your eyes, I thought it was sweet paradise, for love completely changed my life, but that was yesterday. Ici le petit Clamart. où d'importantes forces de police et de gendarmerie sont toujours en place sur les lieux de l'attentat manqué contre le général de Gaulle. Je suis devant la Dina Panhard, dont le conducteur a été légèrement blessé et qui s'en est tiré à bon compte, relativement, puisqu'une des balles qui a touché la voiture a pénétré sous le pare-brise et face au volant. Un peu plus bas, à 150 mètres environ, se trouve le magasin de poste récepteur radio et télévision, dont la vitrine a été touchée par 12 balles. Touchée, je devrais dire transpercée. Il y a deux gros trous. La porte est d'ailleurs fendue. Un poste récepteur de télévision est éclaté. J'ai à côté de moi le propriétaire, mais qui n'était pas là quand ça s'est produit, je crois, monsieur. Non, je n'étais pas là. Autrement dit, vous avez failli y être, je crois. Normalement, je devrais y être. À cette heure-là, je devrais y être. Cinq mois après la signature des accords d'Évian, ce 22 août 1962, seul un homme, un certain monsieur Fillon, a été touché au doigt par une balle perdue. Sa femme et ses enfants qui l'accompagnaient n'ont rien eu, comme les passagers de la DS présidentielle, criblés tout de même de 12 balles. Une fusillade en pleine ville n'est évidemment pas discrète. Alors très vite, les agents de la brigade criminelle, dirigés par le commissaire Bouvier, collectent de nombreux témoignages, indices et signalements. D'abord, comment les terroristes ont-ils fui ? Eh bien, par la route. Selon les témoins, à 800 mètres du lieu de l'attentat, les enquêteurs retrouvent une estafette jaune signalée lors du guet-apens. À l'intérieur, ils découvrent comme seul bagage des grenades et fusils mitrailleurs, ainsi qu'un bloc de plastique qui devait sans doute exploser, mais dont la mèche s'est éteinte. Le lendemain, au 36 quai des Orfèvres, le garagiste de Joigny, qui a loué l'estafette jaune, est interrogé par la brigade. À qui l'a-t-il loué ? Un homme, un certain François Murat, qui à deux reprises a loué ce modèle. Bien. Mais à quoi ressemble-t-il ? Il était moyen et je pense brun. Vous pensez brun ? Brun, oui. Pas. Il avait les yeux bleus, les yeux noirs. Non, j'ai pas regardé. Plus grand que vous, plus petit que vous ? Un petit peu plus grand que moi. Et il n'avait pas d'accent particulier ? Non, pas du tout. Il parlait comme on parle à Paris, quoi. Exactement. Donc on peut pas dire qu'il avait un accent ni provincial. Très sympathique, même un peu sportif, le genre. Quel âge, apparemment ? 35 ans. Et comment était-il habillé ? Sportivement. C'est-à-dire polo et culotte. Mais quand il est revenu la deuxième fois, il avait une veste. Alors, dans tous les garages de France, on scrute les cahiers d'émargement et cahiers de compte pour vérifier si, à tout hasard, un Murat est passé par là. Or, c'est le cas, à Compiègne. Un homme qui s'est fait appeler Murat, effectivement, a loué le Nectar gris clair le 25 juillet 1962. Et il n'est jamais revenu. Comment est-il ? Grand, brun, visage émacié, élégant, poli, sans accent. Cette voiture, les enquêteurs la retrouvent dans le 15e arrondissement. Dans son coffre, ils découvrent un arsenal de guerre, comme le raconte ce groupe d'enfants au micro de France Inter. Vous vous étiez promené autour de la voiture, hein, vous l'aviez vu la voiture. Oui, hein? Tout à l'heure il est passé pour chercher une craie, puis il a mis la main, puis j'ai vu. Il l'a vu, j'étais cherché. Mais il n'a pas vu. Bon. Mais alors donc, ensuite vous avez vu les policiers qui sont arrivés. Hein, oui, et oui. Toutes les armes ont été sorties du coffre de la voiture. Oui. Hein, donc à l'intérieur de la voiture, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Ils ont été à l'intérieur de la voiture, ils ont regardé. On n'a rien vu ce qui sortait de là-bas. Alors vous avez vu tout ce qui était sorti du coffre de la voiture. Hein. Oui. Alors qu'est-ce qui était sorti du coffre de la voiture ? Il y avait une grenade, deux mitraillettes. Un fusil mitrailleur. Il y avait aussi, je crois, un tube. Un tube. Avec une boîte en fer. Oui, il y avait une boîte en fer. Ça devait être les munitions. Tu sais ce que c'est qu'une mitraillette ? Oui. Tu as quel âge ? 12 ans et demi. Et toi aussi ? 10 ans. Et un fusil mitrailleur, c'est plus grand ? Oui. Ah non, c'est pas. On se doit de la place, c'est plus grand. Un peu plus grand. En attendant de mettre la main sur les terroristes, un tract signé du CNR ultra de l'Algérie française est déposé à l'Assemblée. Sur ce document, le CNR approuve l'attentat et menace de nouveau le président. Aujourd'hui ou demain, envers et contre tous, le traître de Gaulle sera abattu comme un chien enragé. Le Conseil national de la résistance et l'OAS en font le serment. Ils n'y failliront pas. CNR, OAS, quelques sigles pour des organisations troubles et moribondes qui, en cette année 1962, n'ont plus de véritable chef incontesté ni de stratégie conjointe. Un seul but les rassemble, la mort du général de Gaulle, même si l'Algérie est désormais indépendante. Le 3 septembre, lors d'un contrôle routier, Pierre Magat, 22 ans, recherché comme déserteur, est arrêté. Interrogé, il reconnaît sa participation à l'attentat et énumère les noms de ses complices, dont Jacques Prévost, 31 ans, ancien sergent parachutiste d'Indochine, et Alain Bougronnet de la Tocnaïs, 36 ans, évadé de la prison de la Santé après une condamnation pour activité subversive. Ces deux-là étaient dans la seconde voiture, celle qui a fait feu de tout bois, mais qui n'a pas eu le temps de couper la route de la déesse du président. Grâce à leurs interrogatoires, les policiers arrêtent leurs complices et reconstituent le puzzle de l'attentat. Le 7 septembre, c'est le ministre de l'Intérieur lui-même, Roger Frey, qui présente l'avancée de l'enquête lors d'une conférence de presse. Règle métallique à la main, il relate minute par minute l'attentat, le nom et le rôle des premières personnes arrêtées, tout comme ceux des participants encore en fuite. Parmi ces hommes, on recherche surtout le colonel, l'homme qui aurait tout orchestré. Et le 15 septembre, on l'arrête chez lui à Bourg-la-Reine. Marié, père de famille, il s'appelle Jean-Marie Bastien Thierry. Il a 34 ans, il est ingénieur en chef de deuxième classe. D'une famille de militaires originaire de Lorraine, il n'a jamais foulé les terres d'Indochine ou d'Algérie. Son seul fait d'arme est la mise au point de missiles anti-char. Pourtant, il avoue à la police être le chef du complot qui a voulu assassiner le président de Gaulle. On l'apprendra plus tard, cet homme est derrière plusieurs tentatives contre le général, dont celle de septembre 61 et de la bombe du pont de Seine. Le 22 août 1962, cette fois, il est sur place, il agite un journal, regarde, mais ne tire aucune balle. Le 19 septembre 1962, le parquet de la Seine ouvre deux informations judiciaires pour 9 conjurés inculpés pour attentat contre l'autorité de l'État, infraction à la législation sur les armes et tentative d'assassinat. 5 autres personnes sont inculpées pour complot et assistance aux auteurs de crimes et délits contre l'autorité de l'État. Le 28 janvier 1963, 5 mois après l'attentat, le procès du petit Clamart s'ouvre. Sur le banc des accusés, ils sont 9. 9 hommes, dont le plus jeune, Pascal Bertin, a 20 ans. Pour les défendre, le ponte des robes noires de l'extrême droite française, Jean-Louis Tixier-Vignancourt, qui s'est fait connaître en 1951 en obtenant l'amnistie pour l'écrivain collaborateur Louis-Ferdinand Céline, une signature. Pour ce nouveau procès historique, lui et ses confrères de la Défense choisissent d'axer leur stratégie sur le contexte. Autrement dit, ils instruisent le procès de l'indépendance, des exactions commises en son nom de 1954 jusqu'aux accords de 62. Ils appellent à la barre des témoins ultra ou non victimes européennes de cette guerre. Ils parlent des morts et disparus, pieds noirs et harkis. De ces morts et cette guerre, Bastien Thierry n'a rien vu et pourtant c'est elle qui est à l'origine de sa volonté de tuer le général. Instigateur de l'attentat, personne ne le connaît vraiment. Alors, quand il prend la parole, tout le monde écoute, note tous ses mots. Le 2 février 1963, son intervention débute ainsi. Monsieur le Président, l'action dont nous répondons aujourd'hui devant vous présente un caractère exceptionnel et nous vous demandons de voir que seuls les motifs d'un caractère également exceptionnel ont pu nous déterminer à l'entreprendre. Nous ne sommes ni des patriotes, ni des factieux, mais des Français nationaux, Français de souche, Français de cœur. Ce sont les malheurs de la patrie qui nous ont conduits sur ces bancs. Je suis le chef de ceux qui sont ici. J'assume à ce titre toutes mes responsabilités. Et c'est pourquoi je parlerai au nom de mes camarades et plus longuement qu'ils ne l'ont fait avant moi. Il poursuit sa diatribe pendant de longues minutes et présente le général de Gaulle comme un tyran. Et il cite saint Thomas d'Aquin qui disait « C'est le tyran qui est séditieux et qui nourrit dans le peuple les discordes et la sédition. Sont dignes de louange ceux qui délivrent le peuple d'un pouvoir tyrannique. » Intégriste catholique, il voit dans son geste le souhait des commandements de Dieu. La religion comme alibi criminel, cette dérive de l'esprit fera des émules jusqu'à aujourd'hui. Mais saint Thomas d'Aquin n'est pas le meilleur avocat de Bastien Thierry. Alors, sur les conseils de ceux qui le défendent, il change de stratégie. Il explique notamment qu'il n'a pas voulu tuer le président, mais simplement le kidnapper en vue d'un procès. Dans la cour et dans la presse, personne n'est dupe de ce retournement. On kidnappe rarement un homme en tirant sur les vitres arrière de sa voiture. Lors de ce procès, une autre question est sur toutes les lèvres, celle des complicités à l'Élysée dans l'entourage du général. Mais oui, comment en effet Bastien Thiry a-t-il obtenu des itinéraires et des horaires de déplacement du président? Qui étaient ses contacts? Quel était le plan en cas de réussite de cet attentat? Des hommes politiques étaient-ils au courant? Pendant le procès, l'un des avocats de la défense, Maître Isorni, accuse un membre du gouvernement en déclarant l'existence, je le cite, d'une amitié fervente qu'avait un ministre avec l'OAS. Bastien Thiry va plus loin car il révèle l'identité de cet homme, jeune ministre des Finances, un certain Valéry Giscard d'Estaing. Face à ces accusations, le garde des Sceaux ouvre une information judiciaire pour diffamation contre l'avocat. Il sera relaxé 3 ans plus tard. L'affaire judiciaire en restera là. Mais la rumeur est lancinante, elle persistera, notamment auprès d'une partie des gaullistes qui soupçonneront longtemps celui qui, 14 ans après, allait devenir président de la République à son tour. Aujourd'hui encore, la question de la complicité à l'Élysée et au sein du gouvernement fait l'objet de débats. Revenons au procès des conjurés de Piclamart. À la fin du mois de février 1963, après de multiples incidents de séance et une défense hésitante, basée sur la critique continue du général de Gaulle, présenté à la fois comme un tyran et un agent du communisme international, l'avocat général Charles Gerthofer expose ses conclusions. Il requiert la peine de mort pour Bastien Thiry et 5 de ses complices. 3 finalement sont condamnés pour cette peine, Bastien Thiry lui-même, Alain Bougrenet de la Tocquenay et Jacques Prévost. Désormais, seul le président peut leur accorder la grâce. La Tocquenay et Prévost l'obtiennent, Bastien Thiry, lui, est fusillé le 11 mars 1963. Le général mourra 7 ans plus tard, le 9 novembre 1970, dans sa maison de Colombey-les-Deux-Églises, celle-là même qu'il rejoignait le 22 août 1962. Black trombone, monotone, le trombone, c'est joli. Tourbillonne, gramophone, et bâillonne mon ennui. Black trombone, monotone, autochtone de la nuit. Dieu pardonne la mignonne qui fredonne dans mon lit. Black trombone, monotone, elle se donne à demi. Frissonne, déraisonne, m'empoisonne, m'envahit. Black trombone, monotone, c'est l'automne de ma vie. Plus personne ne m'étonne, j'abandonne, c'est fini. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'attentat du Petit Clamart contre le général de Gaulle en 1962 et avec notre invité Jean-Noël Jeannonnet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes historien et avant tout historien, votre passion, votre métier, ancien secrétaire d'État, ancien président de la Bibliothèque nationale de France, de RFI et de Radio France. Mais oui, c'était en 1983, 80, 85, 86, c'est ça, hein? En effet. Voilà. Toujours homme de radio, vous êtes chaque samedi sur France Culture pour une émission d'histoire intitulée Concordance des temps entre 10h et 11h. Et puis, vous êtes l'auteur du livre intitulé « Un attentat » édité au Seuil, alors qu'il n'était pas encore sorti hein, lors de la première diffusion de ce récit. C'est un ouvrage passionnant sur un événement qui, sous votre plume, lit histoire et hasard, cocasserie et tragique, on va dire, et passé et présent, on y reviendra. C'est une plongée précise dans cet événement, notamment grâce aux archives de la police, de la justice et de la présidence de la République. Voilà. Question toute simple, vous êtes penché sur nombre de faits historiques. Celui-là, l'attentat contre le général de Gaulle, a été traité plusieurs fois. Qu'est-ce qui vous a poussé à y revenir? Des éléments nouveaux? Des choses que vous vouliez savoir? Il y avait quelque chose d'inachevé pour vous? Il y avait évidemment l'ouverture à des archives après 50 ans qui étaient inaccessibles jusque-là et qui ont permis de préciser beaucoup de choses. Mais si je suis tout à fait sincère, je répondrai en historien. Pour un historien, c'est quelque chose de magnifique que cette rencontre entre l'instantanéité d'un événement aussi brutal, 45 secondes, et la longue durée de ce qu'il a préparé, et la longue durée des conséquences extrêmement fortes, extrêmement lourdes de cet événement. Songez que si le hasard est aussi un sujet passionnant pour un historien, si le hasard avait fait comme normalement, il était vraisemblable que cela arrive, que de Gaulle ait été tué, nous n'aurions pas aujourd'hui le président Macron à l'Élysée, puisqu'il n'y aurait pas eu l'élection au suffrage universel du président de la République, que de Gaulle a fait adopter dans la ligne de l'émotion du Petit Clamart à l'automne de 1962. Beaucoup de choses, vous en conviendrez, auraient été fort différentes. Bien sûr. Donc, ce que vous dites est intéressant sur ce point-là. Donc, si j'ai bien compris votre propos, si le général de Gaulle a proposé l'élection du président français au suffrage universel, et on sait à quel point c'est important pour le régime, hein, ce régime-là, c'est lié aussi à cet épisode-là? Il y songeait déjà, parce qu'il trouvait que continuer à faire élire le chef de l'État par un groupe de 80 000 grands électeurs, un peu ceux qui élisent les sénateurs, cela ne lui donnerait pas à ses successeurs l'équation personnelle, la légitimité qui était nécessaire, dès lors que forcément son successeur n'aurait pas la légitimité du 18 juin. Donc il y songeait, mais évidemment il s'est saisi de ce moment-là. C'est quelque chose qui est au cœur de l'attitude efficace d'un homme d'État. Il a tapé sur l'épaule de son confident, Alain Perfit, un de ses ministres, en lui disant « ça tombe à pic, ça tombe à pic ». Il a ajouté « nous vivons un précipité d'histoire ». Les choses se sont accélérées et il s'est saisi de ce moment-là, oui c'est d'un homme d'État, pour pouvoir incarner, réaliser des intentions qui étaient antérieures et qui ont eu les conséquences que nous savons, qui sont considérables. Donc des résonances très très forte, hein, jusqu'à aujourd'hui. Je reviens juste sur la part de hasard, 45 secondes. On a l'impression que cet attentat était immanquable, quelque part. Et que c'est un peu une bande de branquignoles, quand même. Oui, oui, hein? C'est une des raisons. Ils n'ont pas pu s'exercer, ils n'ont pas acquis entre eux une véritable cohésion de commando. Mais il y a beaucoup d'autres hasards, beaucoup. Par exemple, le fait qu'il n'y ait pas encore eu l'heure d'été, que Giscard d'Estaing a décidé quelques années plus tard. S'il y avait eu l'heure d'été, on aurait eu le plein jour, et on n'aurait pas eu ce moment entre chien et loup où il y avait de la bruine, qui a fait que lorsque le chef du commando, Bastien Thiry, a agité un journal pour prévenir de l'arrivée du convoi du président, le responsable de la voiture, de l'estafette d'où on devait tirer, n'a pas vu ce geste. Et par conséquent, au lieu de tirer selon un tir axial qui aurait été ravageur, il a tiré seulement de côté, ce qui a fait que de Gaulle, dans le premier choc, parce qu'il y en a eu encore un second, n'a pas été touché. Beaucoup d'autres, je peux citer le fait qu'ils étaient en DS et que depuis peu, on avait inventé un système. Citroën a continué d'ailleurs de s'en servir beaucoup, dans sa publicité même. Ce que nous avons fait pour le général, nous sommes prêts à le faire pour vous. Le fait qu'il y ait eu ce système de suspension hydraulique a fait que le chauffeur, qui avait beaucoup de sang-froid, a pu continuer tout droit, alors que deux des pneus, avant-droit, arrière-gauche, étaient à plat pour avoir été touchés. On pourrait multiplier les exemples. C'est un hasard qui a fait que c'était le gendre du général, le colonel de Boissieu, absolument, qui exceptionnellement avait remplacé l'aide de camp, qui était assis à droite du chauffeur. Et c'est parce que c'était son gendre que, voyant le tir, il a pu dire « Père, baissez-vous ». On imagine mal les aides de camp ordinaires ayant cette possibilité. Je pourrais multiplier les exemples, il y en a encore d'autres. Au point que, naturellement, les plus pieux des gaullistes ont pensé que c'était la providence. Vous savez ce que disait le moraliste Champfort au XVIIIe siècle. Pour certains, la providence, c'est le nom du hasard. Pour d'autres, le hasard, c'est le nom de la providence. Et ces gens-là ont expliqué, ce qui était évidemment une faribole, une bile baisée, qu'il y avait à l'arrière de la voiture une petite valise où il y avait la médaille qui avait été celle de Anne de Gaulle, la fille handicapée qui était morte peu de temps auparavant et que de Gaulle chérissait beaucoup, et que c'était cette médaille qui avait arrêté la balle qui aurait dû tuer le général. C'est évidemment absurde, mais c'est pour dire qu'autour de cela, autour de cette notion de hasard, d'autres exemples pourraient être donnés, mais je n'en ai pas le loisir. Autour de cette notion de hasard, on vient à réfléchir à ce qui a toujours passionné De Gaulle, c'est la notion de contingence. C'est-à-dire concrètement, la part de hasard par rapport à la longue durée des événements. La longue durée de ce qui a précédé, c'est la guerre d'Algérie, c'est cette haine qui est née dans le cœur d'un certain nombre de combattants de l'OAS contre De Gaulle. Ça n'avait d'ailleurs plus de portée politique, c'était uniquement de la vengeance, puisque l'indépendance de l'Algérie était acquise depuis juillet précédent, la longue durée de ce qui s'est passé, la longue durée aussi du tempérament du général de Gaulle, son comportement devant la mort, il y avait énormément réfléchi, devant le hasard. Et puis la longue durée après, nous en parlions il y a un instant, c'est-à-dire les conséquences à long terme. Je me suis amusé d'ailleurs à faire un chapitre qui est une uchronie, comme nous disons en histoire, c'est-à-dire une histoire fiction. Ouais. J'imagine que De Gaulle a été tué, je raconte ce qui s'est passé ensuite. Naturellement, c'est un peu audacieux pour un historien, mais ça a l'avantage que nous n'avons pas besoin, en l'occurrence, de mettre des notes en bas de page. Il se passe quoi dans votre imagination? Eh bien, il n'y a pas d'élection au suffrage universel. Ouais, le système Mendès France et Michel Debré rêvent d'installer ce qu'ils appelaient un parlementarisme réglementarisé, un parlementarisme institutionnalisé qui aurait évité les inconvénients de la 4e. Ils n'y arrivent pas. Et les 80 000 électeurs dont je parlais il y a un instant auraient choisi quelqu'un de bien paisible, un bourgeois provincial, c'est-à-dire Antoine Pinay, qui aurait appelé Edgar Faure. Les contemporains de cette époque voient ce que je veux dire, qui aurait appelé Edgar Faure comme Premier ministre, et on serait doucement revenu vers la 4e République. Bon, alors, retour à la réalité, Jean-Noël Jadonnet, quand cet épisode intervient, vous avez, vous me dites si je me trompe, hein, 20 ans. C'est cela? Oui, je calcule brièvement, en effet. Attends, j'ai 20 ans. Alors, non, vous ne vous trompez pas. Parce que votre père, à ce moment-là, est ministre dans le gouvernement du général de Gaulle. Non, il est ministre de l'Industrie. Alors, il ne l'est plus depuis quelques mois. Il est déjà en poste à Alger. Oui, il n'est plus depuis mars. C'est ça. Il est déjà en poste à Alger. Par de Gaulle comme premier ambassadeur de France dans l'Algérie indépendante. Donc vous, dans votre famille, cet événement-là, il a, j'imagine, une dimension très forte et personnelle. Vous êtes fils d'un ex-ministre gaulliste, qui le sera encore d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous le ressentez, vous? Elle est là pour tous les Français. Je me trouve en vacances. Oui, pour tous les Français, mais quand même. Vous avez aussi une part de témoignage qui est intéressante. Oui, c'est vrai que je me trouve à ce moment-là en Algérie. Je suis en vacances, j'y rejoins mon père et je me rappelle très bien, comme beaucoup de Français de l'époque se le rappellent aussi, je me rappelle très bien comment je l'ai appris et l'émotion qui a été ressentie par ce groupe de gens qui étaient évidemment très attachés autour de mon père à la personne du général de Gaulle, mais au-delà, qui avait le sentiment que s'il avait été tué, on serait entré dans des eaux formidablement troubles pour le pays. Bien sûr. Alors, on va s'intéresser, si vous voulez bien, un petit peu à la personnalité de Sébastien Thierry, et au conjuré. Qu'est-ce qui unit ces hommes? C'est la même haine contre le général de Gaulle, ou chacun finalement a ses propres motivations, puis tout ça est fédéré dans un espace politique d'extrême droite, hein, l'OAS. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces gens? Oui, c'est un peu comme les 7 samouraïs, vous savez, le film, il s'est constitué la bande des 12 salopards, qui sont très, très différents. Oui, on va revenir à Bastien Thierry, le chef, mais il y a aussi une sorte de chouan qui est très hostile à la République, le bougrenet de la Tocnet. Alors, parlez-nous de ces deux personnages, du chef et des gens qui étaient autour. Le chef. J'ai essayé dans ce livre d'en faire un portrait en pied à partir de ce que l'on peut en savoir. Il ne s'agit plus de le juger à nouveau. Il a été jugé et il a payé de sa vie, puisqu'il a été fusillé. C'est un polytechnicien qui n'a pas d'expérience vraiment du terrain. C'est un technicien des missiles. Il a travaillé dans un centre où on prépare ce genre de projectiles. Et il est mu par une passion froide qu'il dissimule sous un abord très, très serein. En préparant ce portrait, j'étais tombé sur un propos d'un homme d'affaires de Teuf qui imagine, parce qu'il a été chef d'entreprise, les qualités qu'il faut à tel ou tel. Et il dit, bon sens sans logique, ça donne un employé. Logique et bon sens, ça donne un chef d'entreprise de qualité. Logique sans bon sens, ça donne une catastrophe. Et j'appliquerai assez bien cela à Bastien Thiry. Mmh. Il a une vision très abstraite des choses que d'ailleurs, ici, Bougrenet de la Tocnay, modère son propos, et dans son livre, il lui reproche beaucoup d'avoir été hors sol, ouais. d'avoir été hors des réalités, de ne pas avoir l'expérience des choses. Mais ça lui permet de nourrir une détermination dans la haine qui est tout à fait extraordinaire. Son père avait été un peu gaulliste, mais lui a épousé la fille d'un ministre de Pétain. Et il a embrassé à partir de là une haine inextinguible qui l'a poussé à cette action qui continue quand il a été arrêté, qui continue en prison. Il continue d'imaginer des actions contre le général de Gaulle. Et peut-être une des raisons pour lesquelles celui-là, je ne sais pas, c'est très mystérieux, a refusé la grâce en définitive, c'est que il a expliqué au procès que c'était un monstre absolu de Gaulle, qu'il ne fallait pas le laisser à côté de sa sœur parce qu'il l'aurait violé, qu'il était pire que Hitler, parce qu'au moins Hitler respectait son armée. Ouais. Et il y a une capacité de concentrer son tempérament, son action, sa fureur, avec une espèce de mélange de tumulte sous-jacent et de froideur apparente qui donne ce chef du commando qui est Bastien Thiry. Chez Bastien Thiry et chez les autres, est-ce qu'il y a aussi un anticommunisme primaire qui mettrait le général de Gaulle comme un chef d'État qui pourrait s'arranger avec les communistes? Est-ce qu'il y a ça aussi? Oui, c'est la diversité des motivations est frappante. Mmh. Il y a en effet des gens qui sont des gens d'OS qui viennent, il y a des jeunes étudiants qui préparent Saint-Cyr, qui sont d'esprit extrême droite, Corniche, et puis il y a trois Hongrois qui ont tous les trois étaient à Budapest au moment du soulèvement 1956, qui ont rejoint la France et qui sont en effet persuadés, durs comme fer, que de Gaulle n'a qu'un seul souci, c'est de livrer le pays au communisme. D'ailleurs, il dit, regardez comme il a reçu aimablement le chef de l'URSS, Monsieur Khrouchtchev. C'est un signe. Ils disent même qu'il était probablement en prison en 1918, au moment de la guerre d'Algérie, avec le futur maréchal Tukhachevski, qui a été également un dirigeant communiste. Tout va dans le même sens. Ce qu'ils n'ont pas compris, ces gens-là, c'est que quand le général de Gaulle parlait de l'URSS, il disait la Russie. Mais oui. Et qu'il entretenait des relations avec l'URSS au nom de ce qu'était l'URSS avant, la Russie, pas l'URSS. Bien sûr, ils avaient le front assez bas, et sauf un ou deux, c'était pas des esprits très, très réfléchis. Ils étaient portés par une hargne qui était de racines différentes suivant les individus, qui s'est finalement coagulée dans ce commando du 22 août 1962. Assez bas de plafond, on va dire. J'ai l'expression que j'ai hésité à employer, je vous la laisse. Bien. Il y a peut-être un côté mystique. Il n'y a pas le côté martyr, c'est chez gens-là. C'est-à-dire qu'on va pas tuer pour aller au paradis, parce que ils organisent leur fuite. De le début. Hein. Je vous fais une comparaison ça. Avec ouais. aujourd'hui. C'est toute la question de la protection des grands personnages. Effectivement, à l'époque, déjà, on craint les loups solitaires, comme on dit, ceux qui arrivent tout seuls. Certains OS avaient même pensé à envoyer une vieille dame de 75 ans. J'ai rien contre les septuagénaires, mais tout de même contre De Gaulle. Mais c'est vrai qu'une des raisons de l'échec, c'est qu'aucun d'entre eux n'était prêt à mourir pour obtenir, pour toucher leur but, c'était la mort. Sinon, par exemple, la deuxième voiture qui était embusquée à gauche de l'avenue de la Libération se serait jetée en avant. Et la voiture du général se serait écrasée contre cette voiture, que le but aurait été obtenu, ils auraient tous été tués. Ça, c'est vrai que c'est une différence. Je me suis intéressé, bien sûr, aux échos aujourd'hui. tout est différent et il y a néanmoins des échos, des ressemblances, ouais. des concordances des temps. Vous vouliez bien citer mon émission, qui ne peuvent qu'attirer l'attention. Par exemple, la grande question de ce que la démocratie doit consentir dans le domaine de la justice d'exception. Ah, j'allais y venir, mais bien sûr. C'est un élément important. Moi, puisque j'allais y venir et que vous y êtes, continuez, c'est encore plus simple. Oui, mais il y a de grands débats que j'évoque dans le livre entre, par exemple, François Mauriac et un éminent publiciste qui s'appelait Emmanuel Berle, un personnage très intéressant. Emmanuel Berle dit, dans aucun cas, à aucun moment, la démocratie ne doit accepter des juridictions d'exception, des entorses aux principes fondamentaux qui justifient la démocratie. Et Mauriac dit, il le faut, parce que sinon, elle va être écrasée, cette démocratie, pour très peu de temps, naturellement. Tandis que Berle répond, dès que la démocratie accepte ses entorses, alors elle perd les raisons qu'elle peut avoir d'être démocratique et de défendre ses raisons d'être. C'est sa raison d'être. On doit sûrement... La même question s'est posée à l'époque des attentats anarchistes à la fin du 19e siècle. Jusqu'où va-t-on dans les exceptions? La justice d'exception qu'avait instituée De Gaulle, il y a eu trois cours successives, n'impliquait pas de recours possible à la Cour de cassation. La Cour de cassation, c'est tout à fait typique. Eh bien, la question se pose... Aujourd'hui encore, comme toujours à propos de la loi que on va nous voter sur l'état d'urgence, la question se pose, qui concerne tous les citoyens, jusqu'où une démocratie pour se défendre est-elle vouée, est-elle autorisée, est-elle légitimée à faire des entorses à ses principes pour défendre ses principes? À quel moment elle passe finalement le fossé où, dépassant ce qui est acceptable, elle perd les raisons même de se défendre contre ce qu'elle est. C'est un sujet. Intrinsèquement. Oui, mais il est peut-être temps aussi d'arrêter. Alors, c'est toujours bien de se poser les questions, évidemment. Mais la situation d'aujourd'hui nous impose peut-être une réponse. Il va bien falloir trouver la réponse à cette question fondamentale que vous posez. Oui, mais il faudra voir au cas par cas ce que c'est là, il me semble. Mmh. Et puis, la question de la durée éventuelle d'exception à ces règles absolues. Je pense par exemple au droit d'entrer chez les individus et les citoyens la nuit. Enfin, on ne peut pas entrer malheureusement. Alors, je sens bien que vous commencez de me marquer que je dois sortir mon train d'atterrissage. En tout cas, vous comprenez pourquoi, m'intéressant à cette affaire passionnante, enrichie d'archives inédites, j'ai trouvé que c'était... pour l'ogre, qui est toujours l'historien, une chair magnifique, et en même temps que les échos avec aujourd'hui étaient propres à éclairer nos réflexions de citoyens contemporains. Vous reconnaissez qu'il y a vraiment de quoi choisir un sujet pareil. Je note à quel point nos démarches éditoriales, la vôtre sur France Culture et la nôtre ici, sont plus que voisines, hein, elles sont identiques. Eh bien, nous sommes sœurs, nos émissions sont sœurs, je ne peux que m'en féliciter. Moi, je suis ravi parce qu'il reste 2 minutes, finalement. Parlons du général de Gaulle et de sa réaction. Alors, le jour de l'attentat, il dit, c'était tangent, ça, il répond à son beau-fils, hein. Et puis, le soir, au téléphone, à Georges Pompidou, il lui dit, ah, cher ami, ils tirent comme des cochons. Bon, ça, c'est la part d'humour aussi, peut-être, d'humour un peu désespéré. Mais dans votre livre, on apprend que d'autres attentats auraient pu tuer le général, notamment l'opération Chamois. Vous avez 1 minute 15 pour nous en dire un mot. Oui, c'était... Il y a eu beaucoup de projets. L'opération Chamois, si je ne me trompe pas, c'est le projet qui aurait consisté à entrer de force dans un appartement qui était devant l'Élysée, de tuer De Gaulle au moment où il accompagnerait le président de la Mauritanie, qui s'appelait M. Ouldada. Mais il y a eu beaucoup d'autres projets. À Vesoul, dans ma chère Haute-Saône, il y a eu un projet de chien qui aurait été entouré de ceintures d'explosifs et qu'on aurait envoyé vers la tribune du général. Il y a un projet aussi au Mont-Faron, dans le Var. On avait mis un explosif dans une jarre, mais pour des raisons diverses, d'humidité et autres, elle n'a pas explosé. Vous parliez de l'humour presque désespéré de De Gaulle. Cela m'a confirmé aussi que un des traits, à mes yeux, d'un homme d'État, c'est d'avoir le sens du cocasse. Ouais. Et il a prodigieusement le sens du cocasse. Et effectivement, cette affaire est également riche. Si vous me suivez plus profondément dans l'ouvrage, vous verrez que... Comment ça, plus profondément, dites que je l'ai pas lu pendant que vous y êtes. Bon. Profondément encore, je veux dire dans la durée. Bien sûr, mais je sais que vous avez compris. Bon. Merci de votre accueil, Fabrice Drouel. On atterrit, j'en ai parce que c'est l'heure. Merci infiniment. Au revoir.